boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Comme j'aime les bataves de kayak amoureux des 70s qui viennent d'ouvrir un pop and rock dans lequel, une fois n'est pas coutume, on mélangera des habitués presque oldies but goldies à des découvertes récentes et à des nouveautés très 2021, comme tout de suite la première triplette, non, toujours pas celle de Belleville, mais celle de Lyon avec trois titres des trois filles et trois gars de Gloria. On en reparle très vite après le premier titre très 60s, Holy Waters. We'll be right back. Gloria, groupe qui, après avoir apparemment écumé les salles lyonnaises, pondait en 2016 un premier album. Ils reviennent en 2021 avec un second opus qui sent bon la débauche, nécessaire en 2021 pour sentir la vie revenir en nous. Thank you. Night Billing de Gloria. J'aurais pu piocher n'importe quelle piste de cet album Sabbath Matters des Lyonnais de Gloria, tellement tout est bon comme dans une bonne cochonaille d'un bouchon lyonnais. Mais trêve de métaphores culinaires, on se cuisine un dernier titre pour ce soir de Gloria, on écoute Global Warning. Allez, dans Pop and Rock, on adore les groupes qu'on estampille et tout de suite on se fait un petit Interpol. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now set those shoes, we'll go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now I've tried the brakes. I've tried, but you know it's a lonely ride. How are things on the West Coast? Oh, I'd move heaven behind those eyes. Today my heart swings. Yet a day my heart swings. But I don't wanna take your heart, and I don't want a piece of mystery. Sur le 104.6. Allez! Kayak, Gloria, Interpol sur Vous êtes encore avec nous? Alors dans ce cas, on continue et histoire de vous permettre de bien garder tous les wagons accrochés, on va se faire Footbats. Découverte d'il y a quelques semaines, on écoute le Quiet qui, comme une ritournelle, reste bien dans la tête. Quiet, I am sleeping, quiet, au rayon des découvertes, il y avait donc le groupe de Eric Johnson, Footbats, très inspiré par les Smashing Pumpkins, puisque sur leur dernier album, il y a au moins deux reprises des Smashing. Au rayon des fidèles de Pop and Rock, il y a aussi le chanteur des Black Angels, que je préfère toujours en solo, notamment avec le titre Keep Your Balance. We'll be right back. Moins écouté mais tout aussi aimé que Alex Mas, nous avons aussi, au rayon perle, Adrian Lenker dans Pop & Rock sur le 104.6 entre 17h et 18h, tous les lundis. Après la douceur de Alex Mas et de Adrian Lenker, quasi estampillé pop and rock, nous allons devoir vous réveiller, et là, gros écart musical, puisque c'est vers le punk rock anglais que nous vous emmenons. Après Slave, après les Sleaford Mods, voici les gars de Glasgow, Baby Strange. Music. Now that's what I call music. Now that's what I call music. You're moving in the wrong direction. You better take control. You're wasting all your money. Wasting all your money. Is it funny like a ha ha? You've opened your eyes, now you can't see nothing. Bacon in a sandwich and drugs on the floor.

Tiens, et si on restait chez les Grands Bretons pour retrouver le dandy post-punk Baxter Jury? With the crumbs of my spare thoughts, you left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. You left me in hotel and more. Boring stories is all I need. And the fine wine diners trying to prize money from me. Prizing money from imaginary donors past the point of relevance, that's all I see. And I'm crazy, I'm trying to sleep. You left me with the crumbs of my spare thoughts. You left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. My hands are dripping in cold, cold coffee. And the crumbs are stuck to my optics. You left me. You called me from a taxi telling me how good I can be and how much you miss me. But you're a kilometer away. You left me with the crumbs of my spare thoughts. You left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. You left me with the crumbs of my spare thoughts. You left me with the noise of the night chances. Good cheer to the wee hours. Baxter Jury, fils de l'iconique Ian, fête ses 20 ans de carrière cette année et Pop and Rock lui rend hommage avec le titre éponyme de son dernier album, The Night Chancers, qu'on vient d'écouter. Et d'ailleurs, quand je parle de dandy post-punk, je pense au petit homme frêle et moustachu, je pense à Feu Chatterton, qui en mars 2021 sortait Palais d'Argile, duquel j'extrais un monde nouveau, piste numéro 1 de Palais d'Argile. Souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central, un monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. Qui nous foutait la frousse. Des poils en même temps, La clarté nous pendait au nez, dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Radio Val-de-Rhin, comme tous les lundis de 17h à 18h sur le 104.6. I don't really even wanna know you with your backstage wisdom like a boarded up window. Who are we to go and make big plans? Married in a fever, children in a panic. Deep sea diver advertising, ruin with the underwater fire. State sponsored pollution, closing our eyes, blinding the town. Hoping the mama doesn't see us now. We become the world's first millionaire. You know, the ones who just don't care. Can't even taste it, but it's really nothing new. And it smells of compromise, it's subtle, it's of confusion. Holidays are working days to us now. We are lifting dead weight and embracing self-doubt. Cars not running, the policeman laughs, but it's really not funny. Who will save me when I'm feeling this down? All God's children are useless to me now. We have come a solitary pond, debonair. You know, for the ones who just don't. Taking on, and now it's everyone. Gather round the toilet bowl. What a shame and what a letdown. You will be dead before the bottom drops out. All is well, so long as you say your little prayer. As you know, we're the ones who just don't. Rise and Say Here. Non, ce n'est pas une lubie ou une aspiration poétique de votre serviteur, c'est juste le nom à rallonge du groupe que nous venons d'écouter avec le titre Hesitating Nation, qui a le don de me donner une patate de feu. Pas vous ? Dommage. Lors de nous quitter arrive, n'oubliez pas, si vous voulez retrouver la playlist de tous les artistes qui nous ont accompagnés ce soir, rendez-vous sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Et on se quitte avec Lane, Life as a Sentence. Et sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Oh, qu'est-ce qu'on est bien avec Lane dans Pop and Rock. Vous en voulez encore ?